I'm gonna go get some food. Thank you. Thank you. Je pensais rester dans le seul fantôme qui m'avait inspiré, c'est bien, c'est bien.